Allô tout le monde! C'est KRL 89.1. CKRL vous souhaite de joyeuses fêtes. Vous avez 60 ans ou plus? C'est maintenant le temps de prendre votre rendez-vous pour votre dose de rappel contre la COVID-19. Allez sur québec.ca/vaccin-COVID pour prendre votre rendez-vous en ligne. Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous devez recevoir la dose de rappel et continuer de respecter la distanciation, de porter le masque et de laver vos mains. La dose de rappel, un moyen de nous protéger plus longtemps. Un message du gouvernement du Québec. Je pense à Québec un peu comme, tu sais, un des endroits où les microbrasseries a vraiment influencé le reste du Québec. So, c'est vraiment quand même intéressant que vous faites partie de cette vague d'influence-là. L'artiste Paul Carniello vous invite à la brasserie artisanale La Corrigane en plein cœur de Saint-Roch. Ici Jessica Leb. Ce mercredi 22 décembre, dès 16h dans De Bouche à Oreille, découvrez Paul Carniello, artiste qui vient tout juste de sortir son 18e album Lies en 20 ans de carrière. Je l'ai invité à la Corrigane pour goûter trois nouveaux plats du menu. On parlera musique, web et cuisine avec la journaliste Art de Vivre Annie La France. De Bouche à Oreille avec Paul Carniello à la Corrigane, c'est le 22 décembre 16h à CKRL. Rediffusion les 27 décembre midi et 2 janvier 19h. Certains parlent de janvier sans alcool. Mais ici au Canada, on parle de janvier, je me sens super bien. Janvier, je dors toute la nuit. Janvier, je vois à nouveau mes souliers. Arrêtez de consommer de l'alcool en janvier et inscrivez-vous sur le site janviersansalcool.ca pour une chance de gagner des vacances en VR Canadream d'une valeur de 5 000. Vous recevrez aussi un échantillon gratuit de bière non alcoolisée SoBeer. Ça pourrait être un janvier émoji visage souriant avec lunettes soleil. Offert par Mad Canada avec l'appui de SoBeer. Inscrivez-vous à janviersansalcool.ca. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita et en fait bienvenue à la toute première émission de l'année 2022. On poursuit ce qu'on avait entrepris le 25 décembre à Noël, donc un survol évidemment très bref parce qu'on peut pas résumer une année en deux émissions, mais bon, on va vous présenter des albums qu'on a appréciés et puis ben Marc, en tout premier lieu, bonne année et ainsi que bonne année aux auditeurs. Et ce soir, on commence avec Curse Pink, un groupe, une formation norvégienne qui avait pas présenté d'album depuis 8 ans. On présentera donc un extrait de Presence of Life. Ce sera suivi de Styx, qui est belle surprise cette année, Crash of the Crown. J'avoue que ce disque-là m'a épaté. Vraiment une belle surprise. Et puis Marc, je pense qu'après ça, on revient en Norvège. Oui, en Norvège, effectivement. Mais j'en profite également pour te souhaiter une bonne année, Michel, ainsi qu'à tous les auditeurs et auditrices. Alors, effectivement, en Norvège, avec la formation Suburban Savage, qui a été fondée par des membres de la formation Panzer Papa. Alors, c'est leur album, second album paru cette année, Demagogue Days. On aura la pièce Aroused and Confused. Et également, une nouvelle formation italienne, Blacksmith Tales, qui a fait paraître leur premier album cette année, l'album de Dark Presence. On aura la pièce Book of Coming Forth by Day, mais on débute, comme tu disais Michel, avec la formation Curse Pink. tomorrow's child, our fate is sealed. One light in the womb. was just a fleeting moment on a long lost night. We both were so determined that our way was right. Now the days of my confusion have no end in sight. Can we ever find our way back from that long, long, long lost night? closed in upon the man with the big wings. Dulled by a warm wind and seeing he floats in the spaces. When the white lady finds him and she leads the man to the home of the Star Rider. New home among the stars. What's the truth? Go over, move on. Only evil never has doubts. Do the questions make any sense? Maybe it's just a stream of consciousness. History shows it again and again. Absolutely no lesson has been learned. History shows it again and again. Absolutely no lesson has been learned. I am just a man on a journey. Beauty's in the way, not the goal. Judgment, there's no guilt. I'm just a man, save me from myself. History shows it again and again. Absolutely no lesson has been learned. History shows it again and again. Absolutely no lesson has been learned. We'll be right back.

Silver in the face. Thank you. past, let their sails before you. Maybe they will hold the light. Jessie Caleb, directrice de la programmation. Au nom de toute l'équipe et de la centaine de bénévoles de CKRL, je vous souhaite un joyeux temps des fêtes. Découvrez le coup de cœur des chroniqueurs de Québec Lézard et des animateurs de CKRL 89.1. Éric Bédard de l'émission Prescription Punk Rock se jette à l'eau une seconde fois avec Irish Moutarde. Et vous, quel est votre coup de cœur en chanson de Noël de 2021? Une pièce de Noël d'un artiste de Québec, ben, il y en a une qui vient de sortir, qui est Vive le vent, une reprise par Irish Moutarde, une formation Celtic Punk qui sévit depuis plusieurs années à Québec, depuis plus de 10 ans. Viennent de nous sortir cette pièce-là, version un petit peu trafiquée, metal, punk, folk, trad, un double bass drum. Ça va vous décoiffer pour le temps des fêtes, mais vraiment une belle reprise. Un groupe à surveiller, un groupe qui a le vent dans les voiles, la Irish Moutarde, un bijou de notre scène québécoise. Et je suis persuadé qu'ils travaillent sur un troisième album. Donc, allez écouter Vive le vent pour un joyeux temps des fêtes. La COVID-19 se propage rapidement au Québec. Il est essentiel de vous faire dépister seulement si vous avez des symptômes qui s'apparentent à ceux de la COVID-19, comme la fièvre, la toux et la perte du goût ou de l'odorat. Le dépistage demeure l'un des meilleurs moyens de limiter les éclosions. Pour plus d'informations, consultez le québec.ca/test-COVID-19. Un message du gouvernement du Québec. CKRL 89.1. De CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Et c'est la suite de notre spécial rétrospectif 2021 avec quelques-uns des meilleurs albums parus cette année. Et dans le prochain bloc musical, il y aura d'ailleurs deux de mes albums coup de cœur de cette année. Deux albums de formation italienne. Pour ceux qui me connaissent, c'est pas très surprenant. Alors, on a donc la formation Sindone qui présentait cette année leur superbe album Kama Sutra, un album concept. On aura la pièce Secret and Profane et on aura également la formation Ske qui est le second album pour Paolo Ske Botta, un superbe album également, Insolubilia. Alors on aura la pièce Insolubilia 2. Mais pour débuter, Michel, une formation norvégienne que tu as beaucoup aimée toi aussi. Oui, tu parles de Caligonaut. En fait, c'est le projet du guitariste et chanteur Ole Michael Bjørndal, un musicien bien actif sur la scène musicale progressive norvégienne et qui a notamment joué avec Oak et Airbag. D'ailleurs, plusieurs musiciens norvégiens ont contribué à ce disque, des musiciens premièrement de Warbler, dont Lars-Fredrik Freusli notamment, et puis Henrik Fossum du groupe Airbag. Bref, une belle réussite et on écoute un extrait qui a pour titre « Emperor ». Forget who we were and what we meant. A unity is forever. there falls the shadow between us. Between us is the void. And though our eyes are I know, could I just be a silly fool?

see the world now for the first time. Pieces are scattered, but nothing is gone. So I'll carefully break this silence, find us a passage out of this night. Blessed be your hips and thighs. In my holy room they're spreading hallelujah. Blessed be your arms and your fingers too. I'll be stronger if you hold my string on you. Oh, this way you move is sacred. This way you move is sacred and profane. This is how the story goes. This is Des chroniqueurs de Québec Les Arts et des animateurs de CKRL 89A. Jessica Lepp de l'émission Sortie culturelle à la Corrigane lève le voile sur The Blaze Velluto Collection. Et vous, quel est votre coup de cœur concert de 2021? L'événement qui m'a le plus marqué en 2021, c'est certainement mon premier spectacle déconfiné au Grand Théâtre de Québec, c'est The Blaze Velluto Collection. La formation de Limoilou qui se retrouvait, eux aussi, pour la première fois après le confinement sur scène. Le public les a vraiment suivis de Limoilou jusqu'au Grand Théâtre pour assister à ce grand moment qu'on peut dire historique. Puis le groupe, c'est un hommage aux années 70, avec une belle énergie, des arrangements qui sont assez incroyables pour danser, mais aussi pour méditer. Et il y avait une fébrilité dans la salle, tant du côté du public que du côté des artistes, que franchement, je m'en souviendrai toute ma vie. Et ce qui m'a beaucoup marqué aussi, c'est que pour respecter les mesures sanitaires, les artistes et le public étaient sur scène. Donc là où on était assez habituellement, c'était des jeux d'éclairage et ça faisait partie du spectacle. C'est vraiment un moment incroyable, puis je pense que c'est un moment fort de mon année 2021. Yeah, yeah. Certains parlent de janvier sans alcool. Mais ici au Canada, on parle de janvier, je me sens super bien. Janvier, je dors toute la nuit. Janvier, je vois à nouveau mes souliers. Arrêtez de consommer de l'alcool en janvier et inscrivez-vous sur le site janviersansalcool.ca pour une chance de gagner des vacances en VR Canadream d'une valeur de 5000 $. Vous recevrez aussi un échantillon gratuit de bière non alcoolisée SoBeer. Ça pourrait être un janvier emoji visage souriant avec lunettes soleil. Offert par Mad Canada avec l'appui de SoBeer. Inscrivez-vous à janviersansalcool.ca. Le Machin Club, en association avec le Festival de cinéma en famille de Québec et Québec BD, invite les jeunes de Québec à participer à la production d'un court-métrage et d'une bande dessinée dont vous êtes le héros. Oh oui! Québec dont vous êtes le héros, c'est un projet où les artistes professionnels de Québec sont au service de l'imaginaire des jeunes. Bam! Genre... Pour nous aider à définir le scénario qui mettra en scène notre belle ville de Québec, on invite la population à répondre à nos sondages sur le site québecero.com. Ding! Trop vite. Surveillez la programmation du Festival de cinéma en famille de Québec du 6 au 11 mars prochain pour ne pas manquer notre activité d'écriture collective. Plouf! Un projet imaginé par le Machin Club. Non, attends, je refais. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Nous voici déjà arrivés au dernier bloc musical de cette deuxième émission spéciale sur les quelques-uns des meilleurs albums de 2021. Alors, dans le prochain bloc, il y aura ce qui a été certainement mon album préféré de cette année, la formation grecque Cicada, avec leur superbe album Harvest, qui est leur troisième album en carrière. On aura la pièce No Man's Land, et également un autre album que j'ai beaucoup aimé, celui de Kimmo Porsti, qui est le batteur de Samurai of Prague, qui est un Finlandais, et son album Past and Present. On aura la pièce Present at Lombardy Convent. Et Michel, on poursuit avec une formation norvégienne qu'on aime beaucoup. Oui, on parle de la formation de Sam Fosbach, ce grand fan de Steve Lage et de Gong, et c'est Professeur Tip Top, un groupe dont on a fait jouer de très nombreuses pièces au fil des ans. On va écouter ce soir un extrait du plus récent, Land of Time, mais en attendant, on y va avec la formation grecque, l'excellente formation grecque Cicada, et leur tout aussi excellent album, Harvest. Thank you. Thank you. Certains parlent de janvier sans alcool. Mais ici au Canada, on parle de janvier, je me sens.